Chapitre 5. Informé, Hortz décida d'avertir Amy de la menace qui pesait sur eux. « Ce sont des militaires, deux types de la spéciale branche, » insista-t-il. « Ils ne s'embarrasseront pas de principe. Il leur suffira de nous balancer par-dessus bord à la faveur de la nuit. On croira que nous avons été emportés par une lame, ou bien que la tension a été trop forte et que nous nous sommes suicidés. Que proposes-tu ? » S'enquit la jeune femme, devinant sans mal la réponse qui allait lui être faite. « Il faut les prendre de vitesse. Les tuer avant qu'ils ne nous exécutent. On n'a pas le choix. Si tu as peur, je m'en chargerai. » « Je veux bien t'aider, » proposa Sharon. « Tais-toi, » siffla Amy. « Je ne veux pas t'entendre dire des choses pareilles. » Au moment où elle prononçait ces mots, elle se fit horreur. Qu'est-ce qui lui prenait de jouer les mères poules ? Sharon n'était pas sa fille. Elle n'avait aucun droit sur elle, pas même celui de lui interdire de tuer un ennemi. « Sans doute étais-je comme elle à son âge, » songea-t-elle. « Je vais m'en charger, » conclut le vieil homme. « Amy, arrange-toi pour n'être jamais seule avec eux. »« Tu n'as pas d'armes, » objecta Amy. « Ils sont jeunes et forts, entraînés. »« Justement, ils ne se méfieront pas d'un vieillard. »« Je sais que j'ai l'air d'un débris humain, mais il ne faut pas s'y fier. »« J'ai dressé des lions de l'Atlas, tu sais. » « C'était il y a longtemps, » lâcha la fille aux cheveux rouges, impitoyable. La cloche du repas ayant sonné, ils gagnèrent la salle à manger. L'ambiance était maussade, le sous-marin avait fait deux apparitions, on se demandait ce qu'il attendait. « J'ai parlé avec le capitaine, » murmura Suzanne Worthington. « Il est à peu près certain que nous sommes les seuls survivants du convoi. Les autres navires ont été envoyés par le fond. C'est horrible. » Ça représente des milliers de morts. Pourquoi nous épargne-t-il ? Ça n'a aucun sens. » Elle se mit à pleurer silencieusement. Ethel Pumper et sa demoiselle de compagnie avaient l'air plus effrayés que jamais. Bardington se garda de tout commentaire. Amy s'appliquait à ne pas croiser son regard. Elle essayait d'imaginer un moyen pour se débarrasser des deux soldats avant que Hortz ne se mette en tête de jouer les héros. « Je ne veux pas qu'il me les tue, » se dit-elle. « Il m'exaspère, il me dégoûte, mais c'est ma seule famille, avec Sharon. » Ethel Pumper essaya de détendre l'atmosphère en se lançant dans une suite de réflexions approximatives à propos de l'Australie. Sa demoiselle de compagnie, prénommée Zoé, demeura silencieuse comme à l'ordinaire. À la fin du repas, le vieil homme déroba un couteau à découper. Amy l'imita. Sharon estima que la traversée devenait de plus en plus intéressante. Se sachant en danger, Amy s'appliqua à rester entourée, et pour cela supporta l'insipide bavardage d'Ethel que sa passion des chiens rendait intarissable. Au bout de 2 heures, l'élevage, le toilettage, la reproduction du caniche d'appartement n'avaient plus de secret pour elle. « Mon ambition, lui avoua-t-elle, est de profiter de ce séjour en Australie pour donner naissance à une nouvelle race de caniches. Je vais tenter des croisements sélectionnés. Ma grande fierté serait de donner mon nom à ce nouveau spécimen. Mais pourquoi vous exiler si loin ? S'étonna Amy qui cherchait à prolonger les confidences de la grosse femme. Pourquoi pas l'Amérique ? Allons donc, pouffait-elle. L'Amérique subira le même sort que l'Angleterre, c'est évident. Dès qu'il en aura fini avec les Britanniques, Hitler s'en prendra aux États-Unis. Il utilisera ses armes secrètes pour raser le pays. Mais l'Australie, il n'y touchera pas. Que ferait-il d'une île peuplée de kangourous et de lanceurs de boomerang ? La tête sciée par la migraine, Amy regagna sa cabine en prenant soin d'éviter les coursives désertes. Elle y retrouva Hortz et Sharon qui jouaient au tarot. Alors, s'en quit-elle ? Rien, fit le vieil homme. Difficile de tenter quoi que ce soit. Les deux types ne se quittent pas d'une semelle, à croire qu'ils vont pisser ensemble. Ils veillent l'un sur l'autre, soupira Amy. C'est donc qu'ils s'estiment en danger. Ils prirent la décision d'appliquer le même principe et de dormir dans une seule cabine. La nuit s'écoula sans incident. Au matin, toutefois, ils furent réveillés par les hurlements d'Ethel Pumper. Ils sortirent enveloppés dans leur robe de chambre. Le vent du large les fit claquer des dents. Un attroupement s'était formé, constitué de passagers, mais aussi de marins et du capitaine. Effondrée sur un transat, Ethel semblait en pâmoison. Zoé, sa demoiselle de compagnie, promenait un flacon de sel sous ses narines. « Que se passe-t-il » interrogea Amy en jouant des coudes. Suzanne Worthington, très pâle, parut à peine la reconnaître. Reprenant ses esprits, elle finit par murmurer « Bardington et Lansdale Crawford. On les a assassinés. »